L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. CD numéro 7. Bien, donc, nous avons tous les éléments nécessaires pour former le présent des verbes gogo, qui deviennent gaga, et celui des verbes dont le E accentué à l'oral devient IE, ainsi que ceux dont le O accentué devient UE. Et nous avons aussi vu comment donner un ordre et la position des pronoms quand il y en a plusieurs. Et nous connaissons trois manières d'exprimer le futur, ainsi que la terminaison « ria » du conditionnel.